Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte ABO. Vous en avez désormais pris l'habitude. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour écouter les plus belles bandes originales de films. Et comme chaque semaine, cette émission est co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien Francine, cette semaine, on va retrouver nos rubriques habituelles avec donc les BO cultes, les BO en chanson, les BO coup de cœur, les BO romance. Eh bien j'espère que tu es prête à écouter ces belles bandes originales de films. Ah oui. Hein. Eh bien retrouvons-nous donc dans quelques instants pour commencer cette belle programmation. Alors commençons comme d'habitude par notre première séquence, la BO culte, avec cette semaine Le Mépris, donc un film de Jean-Luc Godard avec une bande originale composée par Georges Delerue. Alors Georges Delerue, il est né en 1925 et mort en 1992, c'est l'auteur de plus de 300 musiques de films. Sa rencontre avec deux réalisateurs issus de la Nouvelle Vague, que sont François Truffaut et Jean-Luc Godard, va être déterminante pour faire connaître sa musique bien au-delà des frontières de la France, avec notamment deux films, Jules et Jim, en 1962, de donc François Truffaut, et puis justement Le Mépris, en 1963, le film de Godard. Alors Le Mépris raconte une grande histoire d'amour et de vie heureuse entre Paul et son épouse Camille, qui sombre progressivement, douloureusement et tragiquement dans la déchirure et le mépris porté par la musique du film mélancolique de Georges Delerue. Et ce chef-d'œuvre classique est tourné avec les stars françaises de l'époque, Francine. Eh oui, c'est Jérôme. Brigitte Bardot, qui avait le rôle de Camille, et Michel Piccoli, qui avait le rôle de Paul, et qu'on retrouve en grande partie sur le fond bleu de la mer Méditerranée et la célèbre villa Malaparte à Capri, en Italie. Oui, cette magnifique villa à flanc de falaise. Et alors que le thème de la musique, donc c'est le thème Camille, qui est le célèbre thème de cette musique de film, eh bien cette musique a été composé par également le réalisateur donc Martin Scorsese qui l'a repris dans son film Casino, donc ce film Casino avec Robert De Niro et Charles Stone. Alors je vous propose donc tout de suite de retrouver donc un extrait de la bande originale de ce film, une interprétation de ce thème par Renaud Capuçon. Donc après le mépris, retrouvons maintenant les BO en chanson. Si vous adorez la musique de film et le cinéma, il est possible de relier les deux. À travers cette séquence, retrouvons des chansons qui ont été écrites au départ spécialement pour des films. Et aujourd'hui, on a choisi Queen avec la chanson The King of Magic, écrite par Roger Taylor. Elle est extraite de l'album du même nom, qui constitue une grande partie de la bande originale du film Highlander de Russell Mulcahy, qui a été réalisé en 2006. Et la phrase « A kind of magic » est prononcée par Christophe Lambert dans le film « Un tour de magie » dans la version française. Cette phrase a tellement impressionné Taylor qu'il en a écrit une chanson avec des paroles faisant souvent référence au film. Oui, alors justement, Francine, Christophe Lambert est revenu récemment sur sa rencontre avec Freddie Mercury en précisant qu'au départ, Queen ne devait signer qu'une de la chanson d'ouverture du film. Mais ils ont tellement aimé le film qu'ils ont décidé de faire donc toute la BO de ce film, Francine, qui a été réalisée non pas en 2006, mais en 1986. Petite D'accord. précision. Donc retrouvons tout de suite cette chanson « The King of Magic » du groupe Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft. Magic. Voilà, c'était Queen, The King of Magic. C'était un extrait de la bande originale Highlander. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO et nous allons continuer donc à découvrir les plus belles musiques de films avec notre séquence BO coup de cœur consacrée cette semaine au Seigneur des Anneaux, avec composée par Howard Shore. Alors monumentale, cette œuvre de Howard Shore est à la hauteur du chef-d'œuvre de Peter Jackson, un travail pharaonique et minutieux avec une douzaine d'heures de musique qu'il a imaginé, découpé et enregistré. Le compositeur canadien a réussi ainsi à embrasser l'univers heroic fantasy de Tolkien avec des elfes, des orques, des nains, des gobelins, des hobbits, des contrées bucoliques ou l'antichambre de l'enfer, ses cours majestueuses, ses batailles homériques. Shore s'est saisi de tout cela avec autant d'appétit que de talent, composant ainsi l'une des musiques de films les plus mémorables de ces deux dernières décennies. Eh bien, retrouvons cette BO qui a été récompensée par deux Oscars. Après le Seigneur des Anneaux, maintenant place à la séquence Frissons. L'occasion de vous montrer que bien des films d'horreur doivent ainsi une part de la peur qu'ils suscitent à leur bande-son. Et cette semaine, c'est Halloween de John Carpenter, dont la BO est composée par le même Carpenter. Et oui, en effet, John Carpenter est venu à la composition parce qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir un musicien pour s'occuper de ses bandes originales. Bien lui en a pris, le réalisateur se dégote alors un synthétiseur et une boîte à rythme, puis se met à improviser ses propres thèmes. Cette BO exécutée à deux doigts sur un clavier parvient bien à son objectif, créer un sentiment de terreur. Retrouvons donc immédiatement un extrait de cette BO. Thank you. Voilà, c'était un extrait donc du film Halloween de John Carpenter avec la BO du même John Carpenter. On va passer maintenant à la BO romance parce qu'on aime le romantisme à la boîte à BO, Francine. Oui, Jérôme. Et donc, c'est l'occasion de retrouver les BO de films qui nous ont fait chavirer cette semaine. Everything I do it for you. Oh là. De Bryan Adams. Robin des Bois, principe des voleurs, réalisé par Kevin Reynolds et interprété par Kevin Costner. Donc, ce fut un énorme succès international et ce film resta plusieurs semaines numéro 1 aux États-Unis et dans d'autres pays. Et la chanson a remporté un Grammy Award en 1992 et a été nommée pour un Oscar du cinéma. Donc, retrouvons sans plus attendre cette BO que de bons souvenirs. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Voilà, c'était donc un extrait de la bande originale du film Robin des Bois, Prince des voleurs, avec donc Bryan Adams qui nous interprète cette magnifique chanson. Francine, c'était... Everything I do it for you, Jérôme. Très, très bien, Francine. Alors, tu sais, Francine, on aime la romance ici, donc à Radio Fadjet et donc à l'heure de la boîte à BO. Alors, on va continuer avec cette romance, avec un film qui a obtenu donc un Oscar en 1972. C'est le film Un été 42 de Robert Mulligan et c'est Michel Legrand qui composa la bande originale de ce film. Alors, l'été 42, pourquoi ? Ben, c'est le premier été depuis l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des jeunes hommes sont partis à l'armée et puis Herbert, 15 ans, lui, ne rêve que de sa première conquête amoureuse. Eh bien, retrouvons donc cet extrait de la bande originale qui a donc obtenu donc un Oscar donc en 1972. Michel Legrand, Un été 42. Voilà, magnifique interprétation donc de Michel Legrand pour la boîte à BO et pour le film donc Un été 42. Voilà, donc ainsi s'achève ce numéro de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Voilà, j'espère que tu seras fidèle au rendez-vous. Oh, bah oui, On va terminer par notre générique de fin, comme d'habitude. Alors, vous êtes nombreux à nous poser la question, mais quel est donc cette bande originale, ben, effectivement, c'est notre générique de fin et de début, c'est la bande originale d'un film donc, de Claude Zidi, L'Animal, oui, avec Belmondo, et c'est une musique composée par Vladimir Cosma. Voilà, donc on termine avec L'Animal, on se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, eh bien, passez une excellente semaine, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Fadjet.